Yeah. Okay. On y va, le beat est tellement posé, je pourrais doubler le nombre de voyelles, comme tous les noms des demoiselles qui t'ont rendu naze. Y'a tellement peu de BPM, je pourrais kicker des consonnes. Elle parlerait d'elle-même, je te promets, ça choquerait personne. Je ferais des et puis des gros. Je suis un lion, pas un chat, si tu me waf, moi je te grrr. Je suis qu'un non-name honnête, moi sans phonème, au maître et en miettes. Je kick des sons quand ça fait sens, bah je m'arrête. Et puis je repars aussi sec qu'après le litre de pastis que t'as bu sans eau. Et que c'est que tu sais que je traîne avec des gars plutôt foulés. Que fait que fuck, tu voulais nous péter les steaks, que fait Belek. Le bill pour moi qui t'électrise, le hobby de fat te maîtrise, te méprise, tu crises quand je te vexe. Mais please, pity, pity, positive. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et l'espoir fait vivre. Donc le serpent se mord la queue, il trouve du plaisir. Il serait peut-être temps pour toi, mon vieux, et tes goûts de périr. Écoute le délire, next level à l'anémie. Je suis tellement loin, en vrai, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Pas de problème, je continue quand même. Des formules, histoire qui colle à mes phonèmes. Et quand je suis sur scène, bonne vibration j'amène, ainsi qu'un peu de weed en général caché dans mes veines ou dans le spliff que j'ai au bec, car je m'en balèque. C'est Bilbo Mike pour toutes les gardes et tous les mecs. Et puis je ferme ma gueule pour rester correct et m'enfuis sur un clin d'œil quand il est temps que je m'éjecte. Yo. Yeah. J'ai 4 ans pour aujourd'hui, c'est mort. Donc je mets le son fort et le lyrique, c'est tapant. Et partant, partant, je le dis, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour la monnaie, pas le temps pour les bijoux, pas le temps pour les trophées. Puis j'ai pas les jambes de Zizou, pas le temps pour décoller, je peux en trouver pour un bisou. Pas le temps pour quoi, yeah. Parce que j'aime pas les phases de merde. Et va pas croire que je l'aurais fait si j'avais du temps à perdre. Puis c'est même pas le cas, j'ai un truc important à faire. Trouver un endroit où t'es pas là, à me pomper l'air. Faut que j'aille au frigo, chercher une canette. Faut que je trouve un bédo. D'ailleurs en parlant de ça, t'as pas un pet. Vas-y, n'est pas un polo. Ce soir c'est la fête, mais ne me parle pas trop, s'il te plaît. Tu prends la tête, moi. Je vais aller bouger les bras, brûler le gras, m'enjailler sur de la funk à coup de bipap moula. Donc bouge de là, bout de vodka. Moi je ne risque pas, non je ne suis pas Bouteflika. Je suis qu'un chip normal, il paraît, mais j'ai la saveur. Un chip banal, mais je viens d'ailleurs. Je kick ça, tu le sais, demande à ta soeur. Je suis qu'un chip normal, c'est vrai, mais le meilleur. Fais le point sur un oscillo de bas en haut, de haut en bas, et tu t'en bats les couilles tant que le son est là, tu t'en bats les ouais. La leçon est là, tu m'en mal, comment veux-tu pouvoir prêter de la thune sans maille?